Oui, merci beaucoup, mes chers amis. Juste une minute, Nazo Zobino. Toujours, toujours, toujours, Tozali Koya. Jusqu'à ce que Tokoyuko soit, moi, Batou, il y a conscience, il y a Malamu, pour Nambo Kanabiso. Même si Tozaï n'a regret que nous n'avons pas une population consciente, Tukotika Koyate, parce que Malembe Tozali Kokende, bien que urgence est Zali Nambokanabiso, Malembe, et si Katokosuka, bah, ko remplacer Biso, bah, continuer. Juste. Oui, Sabino, je fais une petite vidéo pour vous dire que ces gens ici, de Katumbi, Matata, Sesanga, Fayoulou, Bazalina Binoté, mes chers amis, on ne peut pas venir faire des aventures, Bazali Mikolo, Bazali ba responsable, Naba famille, Nabango, on ne peut pas venir ici, Koloba Makambo Oyo. Les alli vérité t'es na kombo na bango. Quand je viens, je vous dis que ces gens-là ne sont pas avec vous. Ces gens-là ne sont pas avec le peuple. Oyo bazali koloba. S'il vous plaît, bon dimanche, Kabiso. Moi, je vous dis toujours, Katumbi n'a jamais quitté Kabila. Katumbi n'a jamais quitté Paul Kagame. Matata n'a jamais quitté Kabila. Matata n'a jamais quitté Paul Kagame. Sesanga n'a jamais quitté Paul Kagame. Fayoulou, c'est la copie conforme d'Étienne Tshisekedi. Qui dit copie conforme en politique, il y a Étienne Tshisekedi, ça signifie Fayoulou, azali kolanda les traces d'Étienne Tshisekedi. La traîtrise, il y a Étienne Tshisekedi. Toujours ma trahison. Il fait semblant comme si Azali Nabino, mais Azali Nabinoté. C'est Fayoulou actuel. Et voyez que mes chers amis, Namboka Nabiso, et l'autre Azali Kobomabiso, fanatisme. Vous avez aimé Fayoulou, nous avons aimé Fayoulou, Natango to commissaire populaire. Mais voilà, Banguna Yamboka Nabiso a non profité de la popularité autopsie Fayoulou pour que Barre critéye. Fayoulou maintenant c'est du sel. Katumbi a zo dissoudre yé malembe malembe malembe malembe malembe malembe. C'est du sel Fayoulou. Et marche, soi-disant, Oyo va organiser, va organiser qui l'élo. Dans l'obéla qui a mon amour vidéo mouké na tchèna voiture. Cette marche-là, va raison n'ango les alliés belé. La première raison, ils ont dit que Katumbi a décidé acha permanence na yena Kinshasa. Alors, il fallait qu'on chapeautait, il fallait un canal pour Bamona Lakisake. Oui, il est populaire na Kinshasa. Alors, il fallait organiser une marche. Tokosa Bango. Marche Ezali pour na ba détournement, marche Ezali pour na ba massacre, marche Ezali pour na insécurité, marche Ezali pour na boy. Mais le même auteur qui ont créé cette insécurité, les mêmes auteurs qui ont créé, qui ont détourné ces pays, les mêmes auteurs qui ont violé, bango ba bourreau, yango bango ba tobazoya, bazoko sabino que non, marche Ezali pour na détournement, pour na massacre, pour na insécurité. Est-ce que Matata Ponyo a tient insécurité dans Mboka na bisote? Est-ce que c'est Sanga Tcha qui a une sécurité dans Mboka Nabissoté? Est-ce que Katumbi n'a pas détourné? Voilà. Raison, mon souci, à marche Oyo et Zalaki. Je vous dis toujours que Batu Oyo, ce sont des amis entre Bango. Félix et Fayoulou. Bazaba ami. Bazaba ami. Félix est avec Kabila. Félix est avec Kagame. Alors, Fayoulou. Naïf qu'il est, voilà ndenge ba dissoudre yé na mai. La raison, deuxième raison, il y a report, il y a marche à l'élo, ezalaki po Jekoko Molumba, le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, s'est marié aujourd'hui. Bakutani entre bango bami avec ba Fayulu, avec ba Matata, avec Katumbi, avec Sesanga, Banama et bino organisé marche lelo mengai mariage nanga ezali lelo le 13 mai. Ndenge nini boye ko organiser sous son marche. Alors bo reporter marche na to kosa bango kaka ba yuma obi boba oya ba congolais to kosa bango pona insécurité. Alors to reporter marche na le na semaine prochaine samedi le 20 mai. Mes chers amis, dans ces pays ici, l'insécurité est permanente. Samedi à lelo ba lobi que marche la reporter pour na insécurité. Mes chers amis, na semaine oyo kaka semaine oyo to ko banda ti to koma samedi à lobi. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour qu'insécurité sire na Kinshasa? C'était quoi l'élément penza ya insécurité na Kinshasa? Ya lelo samedi moyen marche ça la maté, marche kende samedi ezoya. Alors, quelle opération pour insécurité la clean na ville à Kinshasa? Ou bako organiser banda lelo samedi, tito koma samedi prochain pour insécurité si la. Bandeko, même si bozali bazoba, même bozali bazoba, samedi ou ezo ya kaka lobi 7 jours kaka, tolo ba 6 jours. Jantini ngobi la, na jikoko mulumba, bazo siri sa insécurité. Et Fayulu accepte, oui, insécurité ezali. To lingite baya ko kosela biso babo mabatu ba kosela biso ke biso ba to bomisi batu alors pour insécurité tondi makaka report non c'est pas vrai bazo ba kosi bino la vraie raison parmi de vraies raisons camarade na bango Jekoko Molumba s'est marié aujourd'hui bokene na page na Facebook na zo tiela bino ba photo ya Jekoko Molumba à Bali. Ayebisi ba camarade na ye Fayulu, ayebisi ba camarade na ye Matata, ba camarade na ye Katumbi, pardon botika marche wana po ngai quand même na bala tabino moko. Voilà. Et le peuple congolais naïf biyungu bizengi bandimi. Tondimi kaka kasi, une semaine kaka kasi, une semaine, semaine prochaine ba ko organiser to sala marche wana, to anilango pona lopo na insécurité, to anilango pona lopo ba ko sala biso ke biso to bomi. La condition Fayulu a donné à Jekoko Molumba nang Jantiningo Bilana Félix. Bon, ton demi, parce que ozo bala, moi na mai, ozo bala, ton demi, t'o sa la marche, t'es trop yé, bisabi bo bawana bo bimate en sécurité. Alors, s'il vous plaît, boti kabiso le 20 mai, t'o marché. Bayoka ni bon, ça va. Nenge bayoka na d'habitude, le 20 mai, t'o ti kabino bo marché. Le 20 o ezoya, marché kozala. Mais lelo marche ezate, parce que entre bango les amis, ils se sont arrangés bayokani. Bayokani, Master Nabiso Azobala, notre ami c'est Marie. Alors, totika, to sala marche on a te mais bazoba oya ba kongole to kosa ba me ba kondima kaka di ba kondima parce que là-bas ça fonctionne pas là-bas. Voilà, vous comprenez? Samedi marche, après marche, la même situation. Tobanda koke, tobanda yango, bande chenti sekare yango lumba. Marche, lelo kibwi sampipa, lelo marche, lelo ville morte, lelo. La république des marches, la république des villes mortes. Au finish, rien du tout, zéro. Botika la na opposition, ti ye sokoya, bokozala kaka ndengwana. Bokumisa ka pouvoir, ti ye sokoya, bokozala kaka ndengwana. Si vous ne vous conscientisez pas, soyez conscience et yeli binote, mkato. Ces pays jusqu'à ce que Jésus va venir. Ce qui a oya ya solo. Merci. Nangolu ya mfumu kimbangu. News ya makasi ezali pona biso. Pobo yoka ke vraiment le dragon rouge et dragon rouge. Boko yoka sango. Semaine tozali ko banda. Ah. Cuisinier promotion quelque part. Boko mona bilili. Wana pena na ndimi. Bilili ya koleka. Merci beaucoup. mwana ngudi kama meni kongo kiyanji kola verite nde verite eza la nandiyaka nandaku na yo eza lo pesa kangambongo na yo verite na yoki pour le Congo. Pour le Congo, moi je ne marchande pas avec la vérité. Je ne marchande pas. Et Zaloza Minanga, Mbebe Zalina ko dénoncer. Nga personne a Mbeba, ya ko dénoncer ngai. Merci. Moi n'en goudia kama, meni kongi yanji kola. Bouka ki pangu. Les dragons rouges.